il y a juste une année aujourd'hui que nous nous sommes quittés. Je vais passer cette nuit à boire et à danser. C'est ma fête, je fais ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui me plaît. J'ai décidé ce soir de m'amuser. Sur le passé, j'ai tracé une croix, j'ai déchiré tes photos. Sans peur.